Silence radio. À bord de l'OVNI, Ostax, TC, LB to the L. Direction, planète Terre. Mission, ôtez vos œillères. Ouvrez vos oreilles, c'est un raid sonore. Pas serein, y'a pas de surin, c'est juste les aliens dans l'enceinte, on va te rassurer. Rentrer dans le sujet pour être jugé, c'est commun. On le sait bien, on n'est pas connu, on n'a pas le single. Donc on reste vif, tel les commandes. Lutter dans le morbide, on connaît, c'est comme demander à tout bip si l'anatomie le connaît. Les mots s'habillent dans la dope, t'es lock sur la bite, tu le reconnais. On est combien? Bancal, tant bien mal, perché jusqu'au Népal, ça. Feu fuck l'instrumental, on calque la mentale. Du moment, demande un moment. On n'est pas du même envie, t'es comment? Donnez les commandes, nos stacks, les MC deviennent bons. Rendez-vous avec les aliens dans l'ensemble. Il est des visions, le son fout des frissons. Si vous voulez beaucoup, délire et sans crainte. Sous la pression, une vision remet en question. Équation perso, ma formation crée de bordel. Avec les aliens dans l'ensemble. Il est des visions, le son fout des frissons. Coller au beat, faire le beat, donner envie, c'est plus qu'un kiff. Le nazi ont du RAP, on arrive conquérant, nous aussi on veut la paix. Comme à Tel Aviv, de l'utopie dans la copie. Je suis qu'un mortel, aspirant à vivre, si soudain nous beat top 7. Souvent qu'on oublie qu'un titre, c'est plus qu'un 16. La bouche pleine de peine, c'est pas notre tiers. Allume un siège, d'après vos sources, votre art est coté en bourse, d'un autre côté il est divisé. Faites place à l'élite de notoriété, nos satellites quadrillent la terre. Rendez-vous avec les aliens dans l'ensemble. Il est des visions, le son fout des frissons. Si vous voulez beaucoup, délivrez sans crainte. Sous la pression, une vision remet en question. Si vous saoulez, roulez en plein. Équation perso, ma formation crée le bordel. Rendez-vous avec les aliens dans l'ensemble. Il est des visions, le son fout des frissons. Si tu crois changer le monde, étale les trottoirs. Le nombre de tombes, tu trompes, on ne stoppe pas. La bêtise, on laisse tomber, on monte la France du doigt. On emploie les clichés en guise de cocktail. On aime tricher ici, les stades sont truqués. Le stade de France, une AOC. Pour repousser les méprisés, pas dans le 9-3. Pour une fusée comme au Nevada, dans le 7-3. On crée des réserves, est-ce que tu me crois? Je me réserve les ordures, je les sors de leur côte. C'est pour les gosses qu'ils escroquent, donc non-stop. Voilà l'invasion en grande pompe. Avec les aliens dans l'ensemble. Il est des visions, le son fout des frissons. Si vous voulez beaucoup, délire sans crainte. Sous la pression, vision remet en question. Si on me saoule, vous en plaît. Équation perso, ma formation crée de bordel. Avec les aliens dans l'ensemble. Il est des visions, le son fout des frissons. Si vous voulez beaucoup, délire sans crainte. Sous la pression, vision remet en question. Si on me saoule, Thank you.